Vendredi 14 septembre, 21h30, sur un fil, Patrick m'a demandé de ne pas annoncer immédiatement son départ. Je m'en garderai bien. Sa présence, même putative, reste pour moi une garantie, comme une assurance vie, le temps que la nouvelle se sache. Je vais devoir à nouveau manœuvrer serré. Je n'ai à l'évidence plus les moyens de faire de faux pas. Allez. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Je salue presque tout le monde, et cet après-midi, ça fait du monde. Une trentaine, voire plus de bonhommes, à qui je serre la pince. J'y mets les formes. Moment où la cueillole est descendue, je suis heureux de le retrouver. Je salue même au passage Habib, et l'autre margoulin Yacine le Corse, c'est tout dire. Par contre, Atomi, lui, qui est là dans un coin, je ne lui adresse pas la parole. Pas pour le moment. C'est encore trop tôt. Noël le Black, comme il me l'avait promis, est descendu. Il a ramené l'échiquier et quelques capsules. Nous verrons ça tout à l'heure. Comme l'autre jour, les anciens jouent la partie de cartes. J'ai dû leur faire bonne impression, car ils me proposent à nouveau de jouer avec eux. Cédric et moi nous formerons la paire comme la dernière fois. Malgré son regard toujours aussi sombre, il paraît satisfait de notre bonne entente au jeu des annonces. À part ça, il ne dit rien. Nos adversaires sont plus disert. Assa est un petit nerveux qui lâche venant, ce calme à peine. Il a le regard malin et vif des voleurs à l'étal, et il a le verbe acéré, toujours prêt à provoquer. Yaya est quant à lui, le plus volubile. Il parle fort et il galège. Il est rond et lourd. Ses plaisanteries l'amusent. Je n'imaginerais pas partager ma cellule avec lui. Tiens, c'est curieux cette idée qui me traverse l'esprit. Après le départ de Patrick, avec qui vais-je devoir me retrouver en cellule? Il faut que j'y réfléchisse. En tous les cas, jamais avec quelqu'un comme Yaya. En un mot, ce sont tous les trois des partenaires idéaux autour d'une contrée, pas plus. Après deux parties gagnantes, je me retire du jeu, assez content de moi. Mais je sais qu'il ne faut pas insister. Je saisis Noël en passant. Il est, comme à son habitude, en grand conciliabule, comme s'il traitait toujours de questions importantes et secrètes. Il tient son interlocuteur par l'épaule, et se penche vers lui du haut de ses plus de 2 mètres, en lui parlant à l'oreille. Noël a 30 ans, bien qu'il fasse plus jeune. La prison ne semble pas l'avoir encore trop abîmé. Il a 2 enfants, m'apprend-il. Mais je n'arrive pas à me l'imaginer en bon père de famille. Il m'a rejoint à une table. Nous ouvrons le jeu d'échecs et nous comptons ensemble nos bouchons de plastique. Il n'y a pas encore le compte, mais je commence à avoir une idée de ce qui nous sera utile. Il s'agit de bien distinguer les couleurs et les différentes pièces. Les pions, nous les ferons avec des capsules d'eau minérale, blanches et bleues, les tours avec de gros bouchons carrés de sirop, les fous d'une autre forme, les rois et les reines en nous servant de dessus de flacons de gel douche. Le passage est un véritable entrepôt, qui offre une gamme suffisamment étendue pour y faire nos emplettes. Le plus dur, ce sera pour les cavaliers, là, j'ai du mal à savoir encore ce que je vais choisir. Avec ce que nous avons, et encore quelques bouts de carton, nous entamons notre première partie. Noël a tout à apprendre. C'est un élève attentif. Quand la leçon se termine, je retrouve Momo. Lui et moi, nous marcherons ensemble un long moment. Auparavant, il me tient dans un coin. Il a descendu un sachet plastique qu'il me tend. Il a mis dedans, une serviette, un t-shirt et du pain d'épices emballé dans du papier journal. Tiens, c'est pour toi, je sais que tu n'as rien, me dit-il. Je le remercie. À lui seul, je lui confie que Patrick part aujourd'hui. Je lui demande de ne pas encore en parler aux autres. Je lui avoue que son départ est un coup dur pour moi. Il me propose, si je veux, de venir loger dans sa cellule. Ils sont déjà 2, mais il reste une couchette. Gentil Momo. Plus tard, presque en fin d'après-midi, Yacine le Corse s'approche en compagnie de Noël. C'est là que j'apprends qu'ils partagent la même cellule. Nous discutons un moment de tout et de rien. Je le vois venir. Allez, je me lance, tu sais, je vous en donnerai du tabac, mais je ne peux pas descendre le paquet. Je n'ai que ça. Je vous en donnerai à tous les deux, en désignant Noël. Il semble satisfait de mon offre. Pour le moment, j'ai décidé, un peu lâchement, de lâcher du lest. Coûte ce que ça me coûte. Le départ de Patrick change la donne. Je leur descendrai du tabac, à lui, à Habib la 16. À Momo la Kayole et pour faire bonne mesure, à Noël le Black. Je dois nécessairement me faire des alliés ici et surtout ne pas me faire d'ennemis.